me tonight. I take a living thing in sight. I'm tipping the strings of my kite. Judy in the sky. Just take your glasses. Nostalgie 60. Les chansons cultes des années 60. Nostalgie. Je ressens de l'amour. Pourtant, je n'ai pas le droit d'imaginer d'être un jour à toi, puisque tu portes une alliance au doigt. Malheur du nom.

de douleur, à m'en déchirer le ventre et le cœur, jusqu'à en mourir, jusqu'à m'en damner. Que me reste-t-il de t'avoir aimé? Ne me reste plus qu'un amour que tu viens d'écarteler. Retiens la nuit pour nos cœurs.

'Cause I'm a hungry

Vous êtes au cœur des années 60. Nostalgie. Tell me when will you be mine? Share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando. You mean happiness to me. Giacomo Finale, Giacomo Finale. Michael, my king, all dressed in red. Michael, Michael, one day I bet you $5 he'll kill you dead. Chocolate morphine I make. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Michael, Michael, one day. Chocolate morphine, oh, one night. Chocolate morphine, I make. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy to your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. Ico, Ico, one day. Chagamofino, anane. Chagamofino, anane. See that guy all dressed in green. Ico, Ico, one day. He's not a man, he's a loving machine. Chagamofino, anane. Talking about hey now. Betty raconte qu'elle était fiancée à Jimmy. En tout cas, la bague qu'elle a au doigt, je suis sûre que c'est lui qui lui a donné. Tous les soirs à la sortie du lycée, il allait la chercher avec sa moto. Et tu sais, il conduisait. Il a souri, il l'a embrassé, puis il a dit adieu. Il paraît qu'il avait des larmes dans les yeux. Quand il a démarré dans la nuit, il pleuvait. Elle lui a dit de ralentir, mais est-ce qu'il l'a entendu quand elle a crié? Attention! À lui presque tout le temps. Elle se souvient de leur bon moment. La radio de vos années préférées. The way